Alors, revenons maintenant à nos amis les verbes gogo. Ils sont un peu particuliers, hein, ils forment comme un club à part. Et c'est aussi le cas au futur. Comme je l'ai déjà dit auparavant, les terminaisons du futur sont toujours les mêmes, quel que soit le verbe. Ce sont toujours re, remos et ra, ras, ran. Mais les verbes gogo, eux, prennent un D juste avant la terminaison. Par exemple, tener, qui donnait tengo au présent, hein, donc c'est un verbe gogo. Eh bien, pour dire j'aurai, au lieu de tenere, on ajoute un D juste avant la terminaison, ce qui fait disparaître la voyelle de l'infinitif. Alors, j'aurai se dit tendré. tendré, oui. Hein? Donc, à partir de tendré, on obtient tendremos et tendra, tendrán, tendrás. De la même manière, salgo, c'est je sors. Alors, je sortirai, ça sera Saldré. saldré et nous sortirons. Saldremos. Saldremos, oui. Hein? Et ils sortiront? Saldrán. Saldrán, d'accord. Tu sortiras? Saldrás. D'accord, saldrás, oui. Donc, si vengo, c'est je viendrai, ça sera? Vendré. C'est ça, vendré. Nous viendrons? Vendremos. D'accord. Et tu viendras? Vendrás. Vendrás. Comment dit-on vendre? Vender. Vender. Alors, comment direz-vous je le vendrai? Venderé. Je le vendrai. Ah oui. Lo venderé. Venderé, oui. Hein? Lo venderé, c'est je le vendrai. Tandis que je viendrai, c'est Vendré. d'accord, vendré, je viendrai, venderé, je vendrai. Bien, et comment dit-on mettre? C'est le même verbe que pour dire poser. Po, Poner. poner. Alors, je mettrai, ça sera Pondré. très bien, pondré. Je ne le mettrai pas ici. No lo pondré aquí. No lo pondré aquí. No lo pondré aquí. D'accord. Donc, ça c'est la forme du futur pour la première personne du singulier, avec je.